Concernant le port de Rouen, en tout il y a 16 péniches en attente et il y a une vingtaine de bateaux qui sont en rade parce qu'aujourd'hui on ne peut pas les accueillir dans les bonnes conditions et parce qu'aujourd'hui les actions qu'on mène depuis le début de la semaine ne permettent pas aux bateaux de pouvoir entrer dans le port. Du coup, sur le large à Honfleur, du côté du Havre, il y a 20 bateaux en rade. 5 gros céréaliers de plus de 200 mètres qui sont en attente pour entrer sur Rouen. Et puis 9 petits, plus petits navires qui sont en attente aussi. Et on a 11 gros pétroliers qui sont en attente. Voilà la situation du port de Rouen. Sachant que sur le Havre, c'est une cinquantaine de bateaux aussi qui sont en rade au large qui attendent pour entrer sur le port. Marseille, on est à plus de 50 navires aussi. La situation dans tous les ports, elle est identique, même dans les petits ports commerciaux. Voilà, du coup, j'aimerais bien aussi que, parce que mes camarades, c'est énormément de sacrifices. Aussi, avoir une pensée pour tous ceux qui luttent depuis le 5 décembre aussi. Parce que, voilà, faut pas oublier les cheminots, les camarades de la RATP, la fonction publique, les profs, et puis... ce matin, ça nous a fait plaisir aussi de se déplacer, voir les étudiants à Mont-Saint-Aignan, parce que c'est important aussi qu'ils soient dans la lutte. Voilà, une petite pensée aussi pour eux. Alors aujourd'hui, on subit une attaque frontale de ce gouvernement ultralibéral. Cette attaque frontale, aujourd'hui, ils veulent remettre en cause notre système de retraite. Et bien sûr, après, ils ne s'arrêteront pas là, ils iront jusqu'à privatiser notre sécurité sociale, l'assurance maladie. Et depuis le 5, il se passe quelque chose dans notre pays d'extraordinaire. C'est que des travailleurs ont pris conscience qu'il fallait se mobiliser, qu'il fallait se mettre en grève. Et aujourd'hui, on est sur un mouvement social inédit, historique. On est à plus de 40 jours de grève. Et on doit être fiers de ça. Même si certains médias continuent à dire qu'il y a une baisse, aujourd'hui on arrive toujours à faire un nombre de manifestants, mais monstrueux dans les manifestations, des actions tous les jours, 3 manifestations par semaine. Voilà, c'est vraiment magnifique ce qui se passe aujourd'hui dans le pays. Ensuite, aujourd'hui, ils souhaiteraient nous proposer un nouveau projet de société. Voilà. Un nouveau projet de société auquel on refuse. Un projet capitaliste. Et nous, qui remettrons en cause tous les conquis sociaux. J'ai bien dit conquis, pas acquis. Conquis, parce que nos anciens, à l'époque, ils se sont battus pour qu'on puisse avoir ces conquis sociaux. Le patronat ne nous a jamais rien donné. Et aujourd'hui, ils aimeraient reprendre ce que nos anciens nous ont obtenu en 36, en 45 après la Seconde Guerre mondiale, avec le Conseil national de la résistance et la mise en place de la sécurité sociale, et bien aujourd'hui on a le devoir, pour nous, pour les générations futures, de se battre et de pérenniser ces dispositifs-là. Parce qu'aujourd'hui, le dispositif de retraite, c'est le meilleur au monde. On possède le meilleur dispositif de retraite au monde. Et il faut qu'on se batte pour le garder, ce dispositif. Aussi, c'est comme si, je vais vous donner un exemple, qu'on avait une grande table et qu'on nous invitait un festin, à venir manger. Et puis qu'une fois qu'on a tout mangé, eh ben, on expliquera à nos gamins, eh ben écoute mon petit, moi, à mon époque, j'avais tout ça, tout ce que j'ai mangé. Et toi mon petit, plus tard, il ne te restera que les os à manger. Parce que c'est ça qu'ils veulent avec la clause du grand-père et avec cette réforme universelle. Eh ben nous les camarades, on a le devoir. On doit être honnête avec nous-mêmes, avec les anciens qui se sont battus, avec les générations futures, nos enfants, de se mobiliser encore plus qu'on ne l'est aujourd'hui et d'amplifier les grèves partout dans les entreprises, d'éveiller les consciences dans nos familles pour qu'il y ait le maximum de personnes quand on appelle à la grève ou quand on appelle à des actions de blocage. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Et encore, bravo pour cette magnifique manifestation et cette arrivée ici à l'armada de la lutte, parce qu'on est au bord et on va l'appeler l'armada de la lutte. Voilà, un grand merci à tous. Et puis, bah, je vais laisser la parole aux camarades.